À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les séminaires sur ses exploits ont eu lieu en Autriche, en Allemagne, au Bangladesh, au Nigeria, en Égypte, en Éthiopie et au Mexique. Y ont pris part des personnalités de différents milieux et habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que son excellence Kim Jong-il est le grand promoteur de Sun Gun qui a déjoué l'offensive de suppression impérialiste sous la bannière des idées du Jutsu et de l'idée du Sun Gun pour défendre fermement le socialisme de la Corée et qu'il est également le dirigeant du peuple qui a consacré tout pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple jusqu'au dernier moment de sa vie.